Job chapitre 20. Alors Sophar, Naamathite, prit la parole, et dit, « C'est à cause de cela que mes pensées diverses me poussent à répondre, et que cette promptitude est en moi. J'ai entendu la correction dont tu veux me faire honte, mais mon esprit tirera de mon intelligence la réponse pour moi. Ne sais-tu pas que de tout temps, et depuis que Dieu a mis l'homme sur la terre, le triomphe des méchants est de peu de durée, et que la joie de l'hypocrite n'est que pour un moment ? Quand sa hauteur monterait jusqu'aux cieux, et que sa tête atteindrait jusqu'aux nues, il périra pour toujours comme ses ordures, et ceux qui l'auront vu, diront, où est-il? Il s'en sera envolé comme un songe, et on ne le trouvera plus, et il s'enfuira comme une vision de nuit. L'œil qui l'aura vu, ne le verra plus, et son lieu ne le contemplera plus. Ses enfants feront la cour aux pauvres, et ses mains restitueront ceux qui l'aura ravi par violence. Ses os seront pleins de la punition des péchés de sa jeunesse, et elle reposera avec lui dans la poudre. Si le mal est doux à sa bouche, et s'il le cache sous sa langue. S'il l'épargne, et ne le rejette point, mais le retient dans son palais. Ce qu'il mangera, se changera dans ses entrailles en un fiel d'aspic. Il engloutit les richesses, mais il les vomira, et le Dieu fort les jettera hors de son ventre. Il sucera le venin de l'aspic, et la langue de la vipère le tuera. Il ne verra point les ruisseaux des fleuves, ni les torrents de miel et de beurre. Il rendra ce qu'il aura acquis par des vexations, et il ne l'engloutira point, il le rendra selon sa juste valeur, et il ne s'en réjouira point. Parce qu'il aura foulé les pauvres, et les aura abandonnés, il aura ruiné sa maison, bien loin de la bâtir. Certainement il n'en sentira point de contentement en son ventre, et il ne sauvera rien de ce qu'il aura tant convoité. Il ne lui restera rien à manger. C'est pourquoi il ne s'attendra plus à son bien. Après que la mesure de ses biens aura été remplie, il sera dans la misère, toutes les mains de ceux qu'il aura opprimés, se jetteront sur lui. S'il a eu de quoi remplir son ventre, Dieu lui fera sentir l'ardeur de sa colère, et la fera pleuvoir sur lui et sur sa viande. S'il s'enfuit de devant les armes de fer, l'arc des reins le transpercera. Le trait décoché contre lui sortira tout au travers de son corps, et le fer étincelant sortira de son fiel, toute sorte de frayeur marchera sur lui. Toutes les ténèbres seront renfermées dans ses demeures les plus secrètes, un feu qu'on n'aura point soufflé, le consumera, l'homme qui restera dans sa tente, sera malheureux. Les cieux découvriront son iniquité, et la terre s'élèvera contre lui. Le revenu de sa maison sera transporté, tout s'écoulera au jour de la colère de Dieu contre lui. C'est là la portion que Dieu réserve à l'homme méchant, et l'héritage qu'il aura de Dieu pour ses discours.